c'est vrai, j'ai dream de gagner. Oh. Casse les manches comme Samuel, Samuel M.T.G. Casse les manches comme Samuel, Samuel M.T.G. Casse les manches comme Samuel, Samuel M.T.G. Casse les manches comme Samuel, Samuel M.T.G. Et s'il y a drap, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Et s'il y a drap, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Ramenez la coupe à la maison. Ramenez la coupe à la maison.